Bienvenue à toi, à vous. Je suis Bee, l'abeille urbaine. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans la symphonie de la biodiversité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette drôle de structure? Que t'inspirent ces tubes en relief? Je t'invite à partager une expérience sonore avec une autre personne. Alors, trouve ton binôme. Prêt? C'est parti! Place ton oreille à l'extrémité d'un tube et demande à ton binôme de gratter ce tube qui ressort en face. Allez, ne sois pas timide! Alors, qu'entends-tu? À quoi ce son te fait-il penser? Entends-tu mon bourdonnement? Sinon, bon, échangez vos rôles. Savais-tu que mon rôle était de ramener le pollen des fleurs à la ruche pour ensuite construire mon nid et fabriquer du miel? Mais je ne suis pas la seule à polliniser les fleurs. Le vent et d'autres insectes participent au transport du pollen. C'est un travail d'équipe. La pollinisation, c'est le processus de reproduction des fleurs. C'est pourquoi la biodiversité est primordiale en ville. Sans abeilles, 80% des espèces végétales ne donneraient pas de fruits ou de légumes. Pour vivre une expérience sonore immersive et découvrir les ruches où vit ma colonie, suis-moi à l'écocentre de la cité savante. Pour te rendre à l'écocentre, suis le Ravel en direction du centre-ville jusqu'au pont Maguin. Emprunte le pont, puis la rue Maguin qui se trouve sur ta droite. Tu trouveras une passerelle en bois. Franchis-la et sur ta gauche, tu verras l'écocentre. Franchis la barrière en bois et suis les flèches. Devant toi, tu as des ruches et une structure végétale en saule vivant. C'est ici que je trouve mon bonheur. Installe-toi sous la structure végétale et tu peux entendre notre bourdonnement via des baffles. Mais ne t'approche pas trop près des ruches. Nous n'aimons pas être dérangés. L'écocentre est accessible en semaine de 9h à 17h. Si tu trouves la barrière fermée, n'hésite pas à revenir lors de ta prochaine balade dans les coteaux.